sur la boîte vocale du... Ah, fils de pute. J'écris des textes, je vois dessinateur. Auteur d'image trop chaud pour mes dessinataires. Sur un pas, j'ai vu des signes après. La paix du sénateur, mais je suis plus encore sénateur. D'image trop chaud, c'est bien moi, évidemment. Faut la police, j'ai vu des... J'ai plus trop envie d'amour. Redonne boîte, la cité, envie d'amener. Le sac, tu vis ta mère, t'inquiète, ils ont envie d'amener. Ma gueule, ils vont vite t'amener. Mon frère, c'est des rebeux, ou bien c'est trop condamné. Car pour eux, à leur jeu, ayant clé excité, tu les as bien trop calmés. Défense, ça fait plus marrer. Le rap ou la débrouille, ah, je comprends plus ce qui m'arrive. Et puis pas trop de mes parés, avoir plus rien dans les fouilles, ça vient vite comme le mari. Défense, ça fait plus marrer. Le rap ou la débrouille, ah, je comprends plus ce qui m'arrive. Et fais pas trop le mec pareil, avoir plus rien dans les fouilles, ça vient vite comme la marine. C'est la jeune gueule, tu sais que les polos sont abonnés. J'suis un perpète, j'ai passé tout mon temps au check, ça sonnait. Un seul numéro 1, deuxième c'est dernier. Maman j'arrive de 3 millions, j'rentre à la journée. Là faut que j'rentabilise, là faut que j'rentabilise. Ils t'ignorent, ils rentabilisent, elles t'ignorent, elles rentabilisent. Si je claque, je rentabilise, si je claque, je rentabilise. Rattraper le temps perdu en euros, histoire que je rentabilise. Encore défoncé de la veille, c'est pas la première de l'année. Jacques Gaëmier, le de la veille. J'allume un doré qui n'est pas le dernier de la nuit. T'inquiète sur moi, il faut monter la mise. Elle veut monter la mise pendant que je pense à l'hôtel la mise. Tu veux une tour, y'a deux babes et la puce. À la pure, prends tes patins, elle est pas belle la puce. Elle c'est PK de Kawasaki. Ensuite, c'est tourner le Kamazaki. Vodka et kiwi, c'est que protéger corps à toi un peu après tes massacres. T'auras pas pendu dans les vestiaires. T'espères pas de poil, je vais dire bonjour à Esther. C'est comme lui au comico, c'est un raïste. On t'attaque comme un dictionnaire. On fait pas du sinu, on fait toujours des dix-nous. Plus d'entendre additionnel, crayon t'a dit c'est nous, l'ennemi se dissonnait. On t'inquiète comme additionnel, on fait pas du ciné, on fait toujours des dix nous. Plus d'entendre additionnel, crayon t'a dit c'est nous, l'ennemi se dissonnait. C'est la jungle, tu sais que les polos sont abonnés. J'suis un peu, j'ai passé tout.